أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qui est pour combattre l'Amérique? Car elle a offensé Allah et son messager. Par le Cheikh Harith ibn Ghazi al-Nabari, Hafidhahullah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le prophète Muhammad ibn Abdullah, paix et bénédiction d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, est le messager d'Allah Tout-Puissant. Pour les deux créations, hommes et djinns, et c'est ainsi pour tout le monde sur la surface de la terre, depuis le début de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, il leur a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala dit fi surat al-A'raf, et c'est le verset 158, dit « Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. » L'imam Muslim rahimahullah a rapporté de Jabir radiallahu anhu, Jabir ibn Abdullah, qu'il a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: chaque prophète avait l'habitude d'être envoyé seulement à sa nation, mais j'ai été envoyé pour toute l'humanité. Donc tout le monde, de n'importe quelle religion ou croyance, doit croire en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui rejette la guidée et s'abstient de la vérité, sa place sera dans le feu de l'enfer. Les gens du livre, les juifs et les chrétiens, sont les premiers visés par cela. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: par celui dans la main de qui est l'âme de Muhammad, il n'y a personne de cette communauté juif ou chrétien qui entend parler de moi et meurt sans croire au message avec lequel j'ai été envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens de l'enfer. Hadith rapporté par Muslim, rahimahullah. Donc, les juifs et les chrétiens sont sommés de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit fi surat al-A'raf, et c'est là le verset 157, « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. » Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Les prophètes, que la paix soit sur eux, alayhim salatu wassalam, ont prophétisé le dernier prophète Muhammad, sallallahu alayhi wassalam, et ont recommandé à leurs disciples de le suivre et de se conformer à lui et d'entrer en islam avec lui. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Surat 17, verset 89. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, apporte l'honorable Hanifiya, le Tawhid, la justice et la miséricorde. Mais les scélérats ne choisissent que l'égarement, l'injustice, l'oppression, l'agression et l'ignorance. Extrait d'un poème arabe. Il est venu quand l'ignorance était égarement et mécréance, culte des pierres. Mais il a apporté la religion de l'islam avec la sourate al-Fatiha, lue dans 5 prières. Il a remplacé le polythéisme injuste par la justice et la peur par la sécurité. Il a appelé les prédicateurs, mais ils étaient aveugles et sourds. Il les poursuivit pour les frapper et les poignarder. Il a rendu sa décision sur les morts, et ceux qui ont été capturés ont été rachetés ou libérés. Et il a sorti de force ses ennemis des forts et n'a laissé aucun d'entre eux sur terre. Il portait une épée brillante et une longue lance. Il les attaqua à l'aube sur des chevaux galopants. Si vous pesez les arabes et les non-arabes contre lui, que je sois sacrifié pour lui, il ne l'égale pas. Offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un crime impardonnable. Les négociations ne sont pas bénéfiques et les excuses inacceptable. Allah subhanahu wa ta'ala dit fi surat at-tawbah, versets 65 et 66, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, et de Muhammad que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. La dépréciation du statut honorable de la prophétie ne peut être réparée que par l'effusion de sang. Lorsque le maudit juif, Ka'b ibn al-Ashraf, voulut offenser son statut honorable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans. « Qui est pour tuer Ka'b ibn al-Ashraf? Il a offensé Allah et son messager, et aujourd'hui, qui est pour combattre l'Amérique? Elle a offensé Allah et son messager. » Les discours, les déclarations, le boycott, les démonstrations, les demandes d'excuses et la législation n'ont pas rehaussé le soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ont seulement fait augmenter l'arrogance et la tyrannie des mécréants. La solution efficace est ce qui a été commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ka'b ibn al-Ashraf. Extrait d'un poème arabe. Laissez l'encre et écrivez rouge sang. Fermez votre bouche et parlez avec la deuxième bouche, la bouche des canons dans les poitrines des ennemis, qu'ils aient l'éloquence d'accepter leur défaite. Aujourd'hui, il n'y a pas de discours ou de lettres, mais plutôt des coupes de langue et des frappes de coups. La parole, c'est celle des épées. Extrait d'un poème arabe. Les mots échouent devant le langage des armes. Nous sommes impatients de taire les langues avec des armes éloquentes, comme sont bons les musulmans de Libye pour le meurtre de l'ambassadeur américain. Ils ont fait une bonne sunna, eux et ceux qui font de même seront récompensés le jour du jugement. Oh ! Quels visages heureux et bénis soient vos mains ! Extrait d'un poème arabe. Ils ont dit, vous avez pillé alors que les messagers d'Allah n'ont pas été envoyés pour tuer une âme ou un bain de sang. Ignorance, mauvaise interprétation de rêves et d'idées fausses. Vous avez conquis par l'épée après avoir conquis par la plume. Quand chaque seigneur est venu pour le pardon, le sabre a engagé les ignorants et les égarés. Où sont ceux qui aiment le messager d'Allah ? Sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ceux qui sacrifient leur argent et leur âme pour lui? Où sont ceux qui sont sincères envers Allah? Les dirigeants américains disent, je vous donnerai ma gorge avant la gorge de l'ambassade, alors où sont les croyants qui disent, je vous donnerai ma gorge avant votre gorge au messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Allah qu'Allah vaincra les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs agents, et Allah aidera le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers nous, nous les croyants. C'est la promesse d'Allah à son prophète. Sourate Al-Anfal, verset 62. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira, c'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Nous sommes les fils de ceux qui ont prêté serment au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Aqaba, pour le soutenir. Ils le protégeaient de ce qu'ils protégeaient leurs femmes, elles-mêmes et leurs enfants. Nous sommes toujours engagés aux vœux de nos ancêtres, et nous remplirons le serment, nous disons ce que nos ancêtres ont dit. Quel accord fructueux, nous ne vous demandons pas de vous résigner et nous ne nous résignerons pas. Extrait d'un poème arabe. Ô Taha, nous les Yéménites volons vers les monticules élevés avec les âmes des Ansar. Si vous vous rappelez Ammar et son principe, puissiez-vous être fiers de nous. Nous sommes les descendants d'Ammar. Les musulmans, tous les musulmans sacrifient argent et âme pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par amour pour lui et leur empressement à le rencontrer pour l'éternité. Ô combien nous tarde pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui nous rencontrons les proches de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit fi surat An-Nisa, versets 69-74, « Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela! Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit comme parfait connaisseur, ô les croyants! Prenez vos précautions et partez en expédition, par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. » Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, « Oh, quel dommage, si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. » Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne le savent pas. Sourate 12, verset 21. Publié par les productions médiatiques Al-Malahim. Traduit de l'anglais par Abu Ayman al-Ansari.